Je te brief, spliff, tease, barrette dans le calcif. Les schlacs manquent de calcium et nous on manque de cash flow. Je te le dis cash, agressif, sabote pas mon esbi. Je t'arrache les petris, te bousille la vessie. Touche pas à mon dièse, touche pas à ma mi-foi. Te demande pas qui je pèse, on ne vise pas le même format. Je suis fort moi, toi tu pues la merde, c'est trop dommage gros. À 200 mètres on te reconnaît, tu sens le match gros. Je suis magique, quand je kick ça devient électrique. Ta vise à électron, tu la vide et me donne ton fric. Tout le monde flippe, ils me prennent pour un extraterrestre. Donc c'est normal si je leur laisse que les restes. J'suis pas le best. Mon concept c'est la carrière attitude et je ne retourne pas ma veste. Je réfléchis à deux fois avant de lâcher du lust. C'est mon must qui me nourrit cousin, c'est pas ma meuf. Mon rap vénère, percute comme un fac cochère. C'est ma vie et j'en suis fier donc fixe sa mère. C'est chaud comme stocké chez la fille du commissaire. Négro, viens quand je t'invite dans mon univers. Mon rap vénère, percute comme un fac cochère. C'est ma vie et j'en suis fier donc fixe sa mère. C'est chaud comme stocké chez la fille du commissaire. Négro, viens quand je t'invite dans mon univers. Un blague, une feuille, un style unique. À la feuille en panique, Maro s'exprime sur la rythmique. Ma plume te saigne, mon flow te sert. Ne me trompe pas, tu trouveras pas d'MC plus sincère que moi. La banlieue, c'est ma vie, la peuflisse. C'est pas moi les défis, je les relève, tu t'enfuis. En Haute-Savoie, écoute ça, je suis chaud comme Maximus. Je rentre dans l'arène, je te pète le pécus et l'anus. Malgré la dèche, on garde la pêche, wesh. Laisse, pas de panne sèche, on a du tosma. Frère, si t'es laid, tu peux en vouloir qu'à ta mère. Sois pas jaloux, viens pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Nous on est Al, et toi aussi, donc on t'évite, tu sens le putois. Tout le monde sait que tu pues, toi. Nous on est Al, et toi aussi, donc on t'évite, tu sens le putois. Tout le monde sait que tu pues, toi. Mon rap vénère, percute comme un fac cochère. C'est ma vie et j'en suis fier, donc fixe sa mère. C'est chaud, comme stocké chez la fille du commissaire. Négro, viens quand je t'invite dans mon univers. Mon rap vénère, percute comme un fac cochère. C'est ma vie et j'en suis fier, donc fixe sa mère. C'est chaud, comme stocké chez la fille du commissaire. Négro, viens quand je t'invite dans mon univers. MC, la barre est basse dans le game, tu sais. Les MC stagnent, ils font que de pioncer. M.A.R.O, j'arrive de speed comme à la marée haute. Et tu retrouves beaucoup d'MC et je vais sur la côte. Je fabrique des missiles depuis Pécuy, de longue portée pour bombarder de plein fouet le show Nesby. Y'en a marre de voir des grosses pédales, des gros bâtards. Pas assez de barges dans les bons créneaux. Et ceux qui sucent ne récolteront que la syphilis. La meilleure astuce pour les baisers, bâtir son édifice. Ma gloire, il a déjà mal au cul. McDoom, tout le monde sait qu'il a déjà donné son cul. C'est pas mes frères, mais le genre de bâtard de noir que la France préfère et que je dénonce avec plaisir. Il plaisante alors que notre histoire est des plus sanglantes. Pour ça que la scène on l'ensanglante. Pas de blague quand je prends le pic, fier d'être black. Dans notre histoire y'a un passage à vide. On veut kiffer sans autant de mérite que nos rubs. Ça flambore et soi, mais faut pas croire que les chachants en rub. On perd nos pépettes à se la péter, c'est chaud. La réalité c'est que l'oseille c'est vital comme l'eau. Gros, gros, M-A-R-O. Mon rap vénère, percute comme un fac cochère. C'est ma vie et j'en suis fier, donc fixe sa mère. C'est chaud, comme stocké chez la fille du commissaire. Négro, viens quand je t'invite dans mon univers. Mon rap vénère, percute comme un fac cochère. C'est ma vie et j'en suis fier, donc fixe sa mère. C'est chaud, comme stocké chez la fille du commissaire. Négro, viens quand je t'invite dans mon univers.